Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isangani, bienvenue à l'écoute de cette édition, la toute première de la mi-journée de cette année. En voici l'essentiel. Le chef de l'État apprécie positivement la coopération qui existe entre le Burundi et ses partenaires internationaux, vous l'entendrez dans cette édition. Et la nuit de Saint-Sylvestre a été bonne dans tout le pays, sauf quelques accidents rapportés par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et les opérateurs du secteur de l'Internet trouvent que la taxe sur la valeur ajoutée de 36% est élevée. Ils estiment que cela constitue un obstacle à l'accès massif à l'Internet au Burundi. Et après ce journal, vous avez droit à la revue de la presse. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, se dit satisfait de l'étape que le Burundi a déjà atteinte dans la normalisation de ses relations avec ses partenaires internationaux, même si le dialogue avec l'Union européenne n'a pas encore pris fin. Lors de son discours à la Nation ce vendredi à la veille du nouvel an de 2022, le président Évariste Ndayishimiye promet de renforcer les relations avec les pays voisins. Je propose de le suivre. Il est traduit en français par Jean-Didier Nyonzima. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu d'autres pays amis et nous avons maintenu de bonnes relations avec les pays amis. À part le renforcement de la coopération avec d'autres pays, nous poursuivons avec les partenaires internationaux. Nous suivons de près les Burundais vivant à l'étranger partout où ils sont. Ce qui nous rend heureux, c'est que nous avons constaté que la plupart de ces Burundais pensent à leur patrie. Certains parmi ceux-là ont à lever l'identité de réfugiés pour porter l'identité des Burundais qui exercent leurs activités à l'étranger. Nous allons renforcer cette entente, surtout avec les pays voisins, pour comprendre ensemble que nous sommes des vrais amis, que si la maison du voisin prend feu, vous êtes appelé à l'éteindre, sinon la vôtre peut enflammer. Concernant les organisations internationales et régionales, le Burundi se trouve à une étape satisfaisante, même s'il n'a pas encore atteint l'étape finale du dialogue entre lui et l'Union européenne. Nous sommes heureux car l'analyse qui a été faite pour les organisations internationales qui appuient le Burundi dans le développement a montré que l'Union européenne vient en deuxième position après la Banque mondiale. Cela est promettant, car jusqu'à présent, on est ensemble. Nous nous sommes convenus que désormais, on va travailler ensemble pour les projets de développement de la population. Au cours de ce même discours à la Nation, le président burundais Évariste Ndayishimiye a apprécié les missions accomplies par les commissions, la Commission nationale des terres et autres biens et la Commission vérité et réconciliation. Le numéro 1 burundais précise qu'il n'y aura plus de sanctions de globalisation. Encore une fois, je propose de le suivre et le traduire en français par Didier Nyonzima. Nous sommes satisfaits de l'étape déjà atteinte par les commissions CVR et la CNTB dans l'accomplissement de leur mission. Car si l'on regarde les crises qu'a connues le pays, chacun pensait que mettre à la lumière ce qui s'est passé, cela allait semer encore des divisions. Heureusement, tous ont compris que la haine n'a pas de place. Ils ont accepté à révéler ce qui s'est passé. Nous sommes satisfaits de l'étape que les Burundais ont déjà franchie. Soit ceux qui ont participé à ces crises ou ceux qui ont assisté à ces dernières osent parler de ce qu'ils ont commis ou vu. J'interpelle ceux qui hésitent encore à briser le silence et dire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu avant 1972 ou après pour que nous ayons la vérité que nos enfants vont hériter. Un pays qui n'a pas d'histoire, c'est comme un arbre sans racines qui risque d'être emporté par le vent. Je tranquillise la population, la vérité que nous avons déjà eue montre que l'ethnie ne tue pas. Mais par contre, c'est un mauvais leadership qui a commis cela. Il n'y a pas de pays avec un bon leadership, avec des hommes sages, où des milliers de gens peuvent être tués à la portée de tout le monde. C'est que ce leadership a une part de responsabilité. Que les Burundais aient de l'espoir. Personne ne sera puni pour les crimes commis par d'autres, même si ce sont ses parents. On ne va plus globaliser pour sanctionner. « Sécurité à présent. La sécurité a été bonne la nuit de Saint-Sylvestre dans tout le pays. Ce bilan est fourni par le porte-parole du ministère ayant dans ses attributions la sécurité. Pierre Mouriquier précise qu'une boîte de nuit de Gitega qui n'a pas respecté l'ordre qui avait été donné a été sanctionnée. Suivez-le. Comme bilan sécuritaire, la nuit de la Saint-Sylvestre a été calme sur tout le territoire de la République du Burundi. Aucun incident sécuritaire rapporté. Tout a été bien. Comme vous le savez, il y a des mesures contre la pandémie de coronavirus. Les mesures ont été respectées en général, sauf un cas à signaler dans la province de Gitega où une boîte de nuit n'a pas voulu obtempérer à ces mesures. Elle a ouvert les portes et les gens sont allés danser. Des mesures ont été prises contre cette boîte de nuit qui s'appelle Mystique. Une amende d'un million avec une suspension d'une certaine période jusqu'à ce qu'ils comprennent que la lutte contre cette pandémie est une affaire de tout le monde. Sinon, pour les autres, les grands rassemblements, les seuls qui étaient autorisés, comme vous le savez, c'était des rassemblements religieux pour terminer l'année dans la prière. Cela a eu lieu dans le pays. Aucun incident n'a été rapporté sur tout le territoire. En un mot, la nuit d'hier de la Saint-Sylvestre a été calme. Il n'y a pas eu de nombreux accidents comme on l'avait constaté les autres années. Il n'y a pas eu d'accident avec des dégâts humains. En seul cas, à Gitega, un conducteur de moto qui a connu un accident et le chauffeur est mort. Il y a eu bien sûr quelques accidents, mais il n'y a pas eu de dégâts humains. C'était Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et dans la capitale politique Gitega, la célébration de la fête du Nouvel An a été caractérisée par des veillées de prière dans certaines confessions religieuses, mais peu nombreuses par rapport à l'année, aux années antérieures, et cela suite à la COVID-19. Cependant, les boîtes de nuit n'ont pas ouvert leurs portes et la carence des produits Braroudi s'est fait remarquer. Pour ceux qui sont capables de s'acheter de la viande, une trentaine de vaches a été abattue à l'abattoir de Gitega. Le point avec Gérard Nebigir. Les églises protestantes telles l'église du plein évangile, l'église Assemblies of God, l'église anglicane et l'église évangélique des Amis de Magarama, de même que la paroisse catholique Mutchunguzi, sont les seuls à avoir organisé des veillées de prière du Nouvel An 2022. Un des responsables de l'église Assemblies of God déclare que l'objectif des veillées de prière du Nouvel An est de remercier Dieu pour l'année écoulée et de lui demander bonne santé pour le Nouvel An. L'objectif, c'est juste pour que nous puissions remercier Dieu de nous avoir gardés pendant toute une année, aussi de prier le Seigneur pour qu'il puisse aussi nous protéger dans la nouvelle année et en plus prier pour le pays, prier pour les dirigeants, prier aussi pour nos familles et aussi pour, je sais pas, nos fardeaux. Donc c'est juste pour être à côté de Dieu et louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute cette année. À propos des mesures barrières contre la pandémie de COVID-19, toutes ces églises ont rendu disponibles l'eau et le savon pour le lavage des mains, mais le masque n'a pas été exigé à part à l'église anglicane et l'église Assemblies of God. La distanciation sociale n'ayant pas été respectée dans toutes ces églises. Cela étant, aucune boîte de nuit n'a été ouverte et pas de karaoké suite à la pandémie de COVID-19. En outre, les produits Braroudi, essentiellement la moustette 65 centilitres, étaient rares. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé, surtout le riz du Momaké, le riz ordinaire qui antérieurement coûtait entre 1800 et 2000 francs coûte maintenant entre 2500 et 2700 francs, tandis que le riz tanzanien se vend actuellement à 3000 francs le kilo contre 2500 francs d'il y a un certain temps. Et à l'abattoir de Gitega, 31 vaches ont été abattues contre entre 12 et 18 vaches abattues chaque jour pendant les jours ordinaires, comme le précise le responsable de cet abattoir, Joseph Baringayabo. De son côté, le commissaire provincial de la police à Gitega a indiqué que la sécurité était jalousement gardée par la police et l'armée. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h06, poursuivons cette édition. Les tarifs de transactions électroniques ont été revus à la hausse. Les opérateurs de ce secteur estiment que cela va leur entraîner une perte et précisent qu'ils n'ont pas été consultés pour revoir la hausse de ces tarifs. Ils demandent aux compagnies de téléphonie mobile de revoir cette mesure. Suivez-les. Celui qui voulait transférer 1000 francs auparavant, il a ajouté 300 francs pour le transfert. Mais actuellement, on ajoute 370 francs. Franchement, ça a augmenté. Nous constatons que c'est la perte car nos clients se lamentent toujours puisqu'ils n'ont pas été au courant. Les prix ont changé. Par exemple, ce matin, j'ai reçu un client qui voulait retirer une somme de 100 000 francs burundais. Après avoir consulté les tarifs, il a constaté que pour cette opération, il devait faire un retrait de 2 800 francs burundais au lieu de 2 000 francs. Il a dû laisser cette transaction. Pour nous, les agents de cette société de communication, nous avons des inquiétudes pour nos clients. Ils peuvent abandonner nos services en faveur d'autres sociétés. Nous risquons de venir ici sans rien faire du fait que les clients n'ont pas été informés. Et pour boucler cette édition, la taxe sur la valeur ajoutée TVA qui est passée de 18 à 36% est l'un des facteurs de la cherté des services de fourniture d'accès à l'Internet au Burundi. Ingénieur Donatien Manirama de la société BBS de fourniture d'accès Internet l'a dit ce mercredi lors d'une table ronde des opérateurs du secteur sur les modalités de réduction du tarif Internet étudiant. Il demande au gouvernement l'exonération dans ce secteur pour stimuler l'utilisation Internet par un grand nombre de personnes. Suivez ingénieur Donatien Manirama. Et ils vont continuer à augmenter et ce qui fait aussi donc, le déploiement. Donc, d'arriver ou bien la fourniture de l'Internet aux clients finaux. Quelques solutions pour l'immédiat, détaxer les terminaux TIC pour réduire les prix d'acquisition. Mise en place de réseaux institutionnels, amélioration de la connectivité Internet. Encourager aussi la production de contenus locaux pour qu'ils puissent être accessibles localement. Pour ça, il faut faire recours à une connexion internationale. C'était ingénieur Donatien Manirama. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi avec attention. Merci Albert Ndoyo pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. De la presse. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'endroit d'où vous nous captez, et meilleurs vœux 2022 à tous. Écoutez, c'est mieux. Agir, c'est encore mieux. Titre le numéro de la semaine du journal Iwachu. C'est pour parler de l'émission publique tenue mercredi 29 décembre par le président de la République au stade Intwari, qui était devenu un véritable déversoir selon l'éditorialiste d'Iwachu, qui rapporte que des journalistes et de nombreux citoyens ont défilé devant le chef de l'exécutif burundais venu les écouter. La file d'attente, compare notre confrère, était longue comme les litanies adressées directement à Sebarundi, le père de la nation. Un homme a volé la vedette à tout le monde par ses pleurs lors de cette émission, constate Iwachu, rapportant que les larmes l'ont trahi avant de finir son exposé sur son histoire. Il se disait avoir été dépossédé de tous ses biens dans une affaire de divorce et clamait haut et fort d'être victime du système judiciaire burundais. Dans la foulée, son intervention a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Certains se sont moqués de ses larmes, rappelant que les larmes d'un véritable homme coulent à l'intérieur, écrit toujours Iwachu. D'autres ont mis en doute la véracité de son récit et il n'a pas été le seul à tirer à boulet rouge sur le système judiciaire burundais. À part les journalistes, tout le reste criait à l'injustice, aux abus subis, rappelle l'éditorialiste. Le chef de l'État a partagé sa vision de la justice, promettant plus de célérité dans le traitement des dossiers et l'exécution des jugements rendus. Que chaque dossier judiciaire soit clôturé dans moins de 3 mois et que les jugements soient rendus même dans 2 semaines. Une autre promesse saluée, recouvrer une partie de l'argent perdu dans le scandale des 2 projets de construction de barrages d'Omhanda et Kajeke. Attendons la suite, fait patienter Iwachu, qui mentionne aussi d'autres engagements du chef de l'État, une personnalité très ouverte, accessible, à l'écoute, salue l'hebdomadaire. Néanmoins, conclut notre confrère, tous souhaitent plus d'action de la part du président Ndayishimiye. Et le journal Burundi Echo écrit sur la montée des prix de certaines denrées alimentaires pendant cette période des fêtes de fin d'année. Selon notre confrère, ces fêtes coûtent les yeux de la tête. Ces prix grimpent du jour au lendemain dans la capitale économique du Burundi, rapporte cet hebdomadaire spécialisé dans les questions économiques. On citerait entre autres le maïs dont le prix au producteur a été fixé à 680 francs burundais et à 1080 francs burundais sur le marché. Pourtant, un kilo de grains de maïs coûte entre 1200 francs bou et 1350 dans certains dépôts de la capitale économique. Selon le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, cette hausse des prix est due à la spéculation exercée par certains commerçants qui profitent des fêtes de fin d'année pour faire grimper les prix. Une explication qui semble ne pas convaincre les consommateurs qui se sont confiés à ce journal. Revue de la presse. La province Cibitoke est en pleine campagne de reboisement, écrit l'agence burundaise de presse. D'après le responsable de l'Office burundais de la protection de l'environnement en province Cibitoke, environ 1 million et 300 plants de toutes les variétés confondues doivent être repiqués pour la campagne sylvicole 2021-2022. Fidel Ndigamiye mentionne que ce bureau provincial a produit 17 pépinières de plus de 300 plants variés à travers le programme national Ewe Burundi Urambaye dans les 6 communes de Cibitoke où les feux de brousse ont diminué selon toujours cette autorité provinciale de l'environnement. Promotion canapé, entre son poste et sa dignité, il faut choisir, selon le blogueur de Yag. Il trouve dans son billet qu'avec le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter, trouver de l'emploi est devenu très compliqué. Quand on a la chance d'en trouver, décider tout d'un coup de quitter son boulot est un choix très difficile, écrit Yaga. Le blogueur reprend le témoignage de Dorine de 24 ans qui a dû s'y résoudre. Elle a jeté l'éponge à cause du harcèlement répété d'un patron vers eux. Yaga laisse entendre que Dorine est un exemple de la résilience des femmes et des filles face aux patrons prédateurs qui veulent débaucher leurs employés grâce à leur position. Certainement que d'autres femmes ou même des hommes sont en train de se battre pour résister aux assauts des patrons sans foi ni loi, regrette le blogueur qui pense que tout leur est permis. Cela est une turpitude qui est bien connue au Burundi, un phénomène qui tend à se banaliser, fait remarquer le blogueur. Il invite tout le monde à se lever comme un seul homme pour dire non au harcèlement en milieu professionnel. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle a été lue par Sheila Irambona et Armel Mutore. Très bonne suite de programme sur votre station préférée. Revue de la presse.